Elle s'envolera brillante et pile au bon instant. Elle sifflera vibrante, tranchera le volet du vent. Elle viendra se loger dans son petit cœur tout chaud. Elle glacera les idées avant d'avoir sa peau. La babate, mon revolver. Des joujoux en fer à fer. Des petits trous dans la peau des gangsters.